pour démarrer. Eh bien écoutez, on va commencer par la Belgique avec actuellement un orage dans la région d'Anvers, quelques pluies sur le Hainaut et puis encore de la pluie aussi en province de Luxembourg. Entre ces zones-là, eh bien c'est pour l'instant assez sec. On devrait connaître une accalmie en matinée, en début d'après-midi des averses orageuses et puis ce soir ça va un petit peu se calmer, donc ça va diminuer d'intensité et ça va devenir un petit peu plus sec. 14 à 18 voire 19 degrés pour aujourd'hui. Ce soir sur Lyon, eh bien 20 à 21 degrés avec un risque d'averse orageuse également pour les Diables. Quant à nous, eh bien on va rester avec ces averses jusqu'à vendredi. Vous écoutez Viva, il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, le portrait du tueur d'Orlando qui se dessine peu à peu. Un extrémiste islamiste doublé d'un homophobe, voilà comment on pourrait résumer Omar Mateen, un homme instable et violent selon son ex-femme. J'ai vu qu'il était instable, bipolaire, il se mettait en colère pour rien. Là, je me suis inquiétée pour ma sécurité. Après quelques mois, il a commencé à me maltraiter physiquement. L'enquête se poursuit pour comprendre comment cet homme de 29 ans qui avait déjà été interrogé a pu passer à l'acte. Et les candidats à la Maison Blanche, Hillary Clinton et Donald Trump, se sont déjà emparés de la tragédie pour leur campagne électorale. Un massacre qui a particulièrement marqué la communauté homosexuelle. La discothèque Pulse s'était clairement identifiée comme un lieu de fête gay. Nous appellerons le porte-parole de la Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles pour avoir sa réaction. Dans l'actualité de ce lundi aussi, une grève chez Bpost qui va perturber la distribution du courrier. Et puis, bien sûr, le premier match des Diables Rouges à l'Euro. La Belgique affronte l'Italie à 21h. Nous verrons avec Jérôme Elgers quelles sont les chances des Diables. Et puis, nous serons avec des supporters belges qui ont fait le déplacement à Lyon pour assister au match. Et c'est donc la piste djihadiste qui est privilégiée après la tuerie dans une boîte de nuit gay à Orlando, en Floride. L'attaque qui a fait 50 morts et 53 blessés a été revendiquée hier soir par le groupe terroriste État islamique. Les autorités américaines restent toutefois prudentes. L'auteur de cette tuerie abattue par la police a été identifié. Il s'appelle Omar Mateen, un Américain de 29 ans d'origine afghane. L'homme, Nathalie Servet, avait été interrogé à plusieurs reprises par le FBI. Oui, en 2013 et en 2014, première fois à cause de propos véhément tenus devant ses collègues de la société de gardiennage où il était vigile. Il évoquait alors sa sympathie pour plusieurs radicaux musulmans. La deuxième fois en 2014 pour des liens avec un terroriste américain en Syrie qui sera ensuite l'auteur d'un attentat suicide. Mais finalement, le FBI a conclu qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour prouver qu'Omar Mateen présentait une menace sérieuse. Il n'était donc plus sous surveillance au moment de la tuerie d'Orlando. Aujourd'hui, le FBI privilégie quand même la piste djihadiste. C'est une enquête pour terrorisme qui a été ouverte. Juste avant le massacre, Omar Mateen aurait fait allégeance au groupe terroriste État islamique dans un appel passé à la police. Le groupe terroriste qui a d'ailleurs revendiqué ou récupéré en tout cas cette tuerie d'Orlando. Le père du tueur, lui, ne croit pas à la thèse du terrorisme ni aux crimes religieux. Il évoque plutôt l'homophobie de son fils. Il raconte que son fils s'était particulièrement énervé un jour où il avait vu deux hommes s'embrasser. L'ex-femme d'Omar Mateen parle, elle, d'un homme bipolaire et violent. Au début, c'était une personne normale qui s'occupait de sa famille, qui aimait plaisanter, qui aimait s'amuser. Mais quelques mois après notre mariage, j'ai vu son instabilité, j'ai vu qu'il était bipolaire, il se mettait en colère pour rien. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter pour ma sécurité. Au bout de quelques mois, il a commencé à me maltraiter physiquement très souvent. Il m'empêchait de parler à ma famille, il me gardait en otage. Même à ce moment-là, j'ai essayé de voir le bien en lui. Mais ma famille était très soucieuse de ce que je vivais. Elle a décidé de me rendre visite et de me sauver de cette situation. Cette nouvelle tragédie intervient en pleine campagne électorale aux États-Unis. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante sur place. Les deux candidats à la Maison-Blanche, Donald Trump et Hillary Clinton, ont immédiatement pris position. Oui, alors en pleine campagne électorale, évidemment, la récupération politique a commencé très tôt, quelques heures après le drame. Donald Trump a lancé sur Twitter qu'il fallait être plus ferme, plus intelligent et plus vigilant. Puis il s'est félicité d'avoir, je cite, raison sur le terrorisme radical. Trump accuse régulièrement Barack Obama de ne pas vouloir nommer ce terrorisme radical et de ne pas avoir de réponse assez forte. Trump, qui est soutenu justement par le lobby des armes, la NRA, qui reproche à Obama de vouloir davantage contrôler la vente des armes à feu. Le nominé présumé républicain a aussi réitéré son appel à interdire l'entrée dans le pays des musulmans de façon temporaire. Alors, dans ce climat de peur, il pourrait gagner encore des voix. Les électeurs peuvent se sentir rassurés par ces solutions face à un monde qu'ils voient comme menaçant. De son côté, la nominée présumée démocrate, Hillary Clinton, a réagi avec beaucoup plus de mesures, de prudence. Elle a au départ adressé ses pensées aux proches des victimes en anglais et en espagnol, vu la forte communauté d'hispaniques en Floride. Puis elle a publié un communiqué dans lequel elle revient sur la question du contrôle des armes à feu. Elle réclame, elle, au contraire, un plus grand contrôle sur la vente d'armes. Elle a également appelé à la fin des discriminations contre la communauté gay. Et on le voit bien déjà, ce type de tragédie peut avoir une forte influence sur le résultat de l'élection présidentielle de novembre. Merci Sonia. Sonia Dridi en ligne de Washington. En Belgique comme ailleurs dans le monde, la communauté homosexuelle a été très marquée par cette tuerie à Orlando. Avec nous au téléphone ce matin, François Massot-Fouillin, le porte-parole de la Rainbow House Brussels, la maison arc-en-ciel. Bonjour François Massot-Fouillin. Bonjour. D'abord, peut-être une première réaction après cet attentat. Oui, alors c'est vrai qu'à une journée après cet événement dramatique, je pense qu'il y a d'abord eu le choc quand on a appris ce qui s'est véritablement passé, et puis toujours une forme d'incompréhension par rapport à de tels actes de folie meurtrière. Et puis je pense que ce que l'on ressent aujourd'hui et ce que l'on désire, c'est partager évidemment notre solidarité, notre empathie aussi par rapport aux proches des victimes, et ça à notre échelle de citoyens et citoyennes. La communauté homosexuelle redoutait ce genre d'attaque ? Mais je pense qu'on est dans un climat où la crainte est partagée par tout le monde, pas seulement par les homosexuels, et c'est ça qu'a montré d'ailleurs la série d'attentats qu'on a malheureusement connus un peu partout. Eh bien, ça montre l'aspect aléatoire aussi. Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai que clairement, la cible était la communauté LGBT, mais je pense qu'il faut bien garder cette distinction en tête entre la sécurité qui est réelle, qui concerne tout le monde et qui fait l'objet d'une analyse et de mesures par nos services de sécurité, et puis le sentiment de sécurité qui est différent. Et je pense qu'il faut éviter d'être dans un sentiment d'insécurité constant par rapport à de tels actes. Il faut, je pense, aussi éviter de faire des raccourcis trop rapides et d'en venir à des mesures spécifiques, par exemple, pour la communauté LGBT, et d'être dans une crainte permanente en tant que gay, lesbienne, bi ou trans, de subir la même chose. Et je pense qu'il faut se défaire de cela en manifestant d'abord et avant tout notre solidarité et en continuant évidemment par après à vivre absolument comme tous les autres. Donc pour vous, par exemple, renforcer la sécurité autour des discothèques gays, ce n'est pas une bonne idée comme on le fait par exemple dans les festivals de musique ou autour d'événements sportifs comme l'Euro ? Je ne fais pas partie des services de sécurité belges, par exemple, donc du coup, je n'ai pas d'indication sur ce qui se passe vraiment. Sur le Mais ce n'est pas potentiel. Une demande de la communauté homosexuelle en Belgique. Mais je pense que énormément de monde ont plein de demandes différentes par rapport à de tels drames, évidemment. Et évidemment, je pense que personne, mais absolument personne, ne veut que ça se reproduise une fois de plus. Mais je pense qu'il faut faire avant tout confiance à ceux qui observent la menace réelle. Et aujourd'hui, je crois que l'heure n'est pas à réfléchir en tant que citoyen, citoyenne ou en tant que groupe de citoyens, citoyennes à ce genre d'éléments. Je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui s'occupent de cela. Et continuer à vivre normalement. Bien sûr, continuer à vivre normalement, et si effectivement il y a des menaces qui sont avérées, si effectivement il y a des risques qui sont étudiés, des risques réels et qui ne relèvent pas de nos fantasmes ou de l'état d'angoisse générale qui peut planer après ce genre d'événement, alors effectivement oui, il faut protéger les citoyens, mais d'abord nous protéger, c'est évidemment éviter nous-mêmes, pour notre bien-être, de tomber dans une peur constante. Merci François Massot-Fouillin d'avoir été avec nous ce matin dans le 8-9 sur Vivacité et sur la Une. Dans le reste de l'actualité, Christophe, la distribution du courrier qui sera perturbée aujourd'hui. Oui, à part les journaux qui devraient être distribués normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de courriers dans les boîtes aux lettres. Une partie du personnel de Bipost est en grève partout en Belgique, à l'appel de deux des trois grands syndicats. Miguel Allot s'est rendu ce matin devant le centre de tri de Bruxelles X où un piquet bloque l'entrée. Guylaine Lameau, déléguée CGSP, lui a expliqué les raisons de la grève. Nous ne sommes pas contre une modernisation de la Poste, il faut savoir vivre avec son temps, mais on ne veut pas être privatisé. On aimerait bien que les choses soient négociées clairement afin de ne pas stresser davantage les gens dans un contexte économique assez grave que nous vivons actuellement, quoi. Mais il y a aussi d'autres raisons. Comme je vous disais, la Poste est en pleine mutation. Et quelque part, ben c'est souvent des réorganisations sur réorganisations. On nous promet toujours qu'on nous donnera les moyens de le faire, mais ça ne suit pas. On fait beaucoup d'économies sur le dos des facteurs pour pouvoir donner davantage aux actionnaires. La Poste se porte relativement bien. Ce n'est pas un peu étrange de provoquer une grève au moment où justement les choses ont l'air d'aller plutôt bien? Oui, mais la Poste se porte bien. Pourquoi ? Ben, grâce à nous. Parce qu'il fut un temps où elle était un petit peu en difficulté. Et c'est à force de réorganisation, de flexibilité. Si la Poste est en bon état de santé maintenant, ben, c'est grâce à qui ? Pas aux actionnaires, bien sûr. C'est grâce aux travailleurs, quoi. Et quelque part, ben, on lui en demande toujours davantage. C'est jamais assez. La modernité, oui, c'est bien. Mais en attendant, nous n'avons toujours que deux bras et que deux jambes pour pouvoir travailler. La grève chez Bipost ne devrait durer qu'aujourd'hui, mais elle aura encore des conséquences demain sur la distribution du courrier. Au-delà de cette grève chez Bipost, le syndicat CGSP entame aujourd'hui des actions tournantes contre la politique du gouvernement fédéral. Première étape à Liège aujourd'hui. Les administrations pourraient fonctionner au ralenti, mais les bus roulent et les écoles sont ouvertes. 8-9 Sport, 8h11, on en vient maintenant au match des Diables Rouges. Premier match des Diables à l'Euro ce soir face à l'Italie. On va parler des enjeux sportifs dans un instant. Mais d'abord, nous allons en direct à Lyon où de nombreux supporters belges ont fait le déplacement. Sébastien Joris, vous êtes sur place et vous prenez le petit déjeuner avec un groupe de supporters qui est déjà levé. Oui, déjà levé, toujours en pyjama ou en caleçon, divan lit, toujours déplié dans le salon, mais mes supporters réveillés. Simon Toit, double de pain au chocolat sur la table, dans un appartement loué via une plateforme de réservation. Alors, Jérémy, vous êtes arrivé hier soir, comment s'est déroulée la nuit à Lyon ? Il y avait déjà une super ambiance. Hier soir, il y avait beaucoup de supporters belges. Je pense qu'on était la communauté la plus représentée, beaucoup de drapeaux belges. On a vu quelques drapeaux italiens, mais il y avait vraiment une super ambiance. Les cafetiers ont été un peu débordés à Lyon. Certains ont dû fermer plus tôt parce qu'ils avaient plus de fûts. Certains ont été pris de court au niveau de la pompe à bière. Mais malgré tout cela, la soirée s'est super bien passée. Alors, votre premier rendez-vous du jour, c'est l'apéro. Dans un bar qui est prévenu de votre arrivée, il y a juste une petite inconnue concernant le nombre de supporters présents. Bah oui, à la base, on avait organisé cet événement via Facebook pour être une dizaine de Montois, via les gens qu'on connaissait qui étaient sur place. Au final, ça a pris de l'ampleur et visiblement, aux dernières nouvelles, on serait plus d'une centaine sur place. Donc la journée va être festive, on est tous très motivés. Mais malgré tout, on va faire attention pour être en forme pour le match qui est tout de même à 21h. Donc on va alterner les bières avec de l'eau, comme ma maman me l'a toujours dit. Allez, Lyon est encore très calme ce matin. Ça ne va pas durer. Près de 13 000 supporters sont attendus ce soir au stade. Merci Sébastien Joris. Alterner les bières avec de l'eau. Donc sur le plan sportif, ce match entre la Belgique et l'Italie est la première grande affiche de l'Euro. Les deux favoris du groupe E s'affrontent pour entamer le tournoi. Alors Jérôme Elguers, jouer l'Italie dès le début, c'est une bonne ou une mauvaise affaire ? Alors, on sera complètement fixé qu'après le match, évidemment, mais l'entraîneur Mark Wilmots aurait préféré jouer l'Italie en troisième et dernier match du groupe. Ce n'est pas le cas. Les Diables devront donc immédiatement répondre présent. Les supporters attendent beaucoup de ce tournoi et rêvent même d'une finale. Mark Wilmots et ses joueurs en ont bien conscience. À partir du moment où il y a une sélection qui, depuis 4 ans, se met en place et a acquis des résultats assez exceptionnels ces 4 dernières années, c'est normal que les gens espèrent. Voilà, nous on espère justement leur donner beaucoup d'espoir et de bonheur. Je pense que ça c'est l'objectif numéro un. Il y aura quelque chose comme 15 ou 18 000 Belges ici. Je crois que la Belgique s'apprête chaque fois comme quand c'était le Brésil. Et qu'on ait déjà redonné des couleurs au pays, qui on peut le dire il y a 4 ans on n'en avait pas beaucoup. Donc c'est quand même quelque chose de formidable et moi ça me fait énormément plaisir. Aussi bien, voilà, c'est une pression, c'est une grosse pression, mais je préfère avoir celle-là que de ne pas avoir de gens qui viennent. Marc Wilmots au micro de Manuel Jousse, l'entraîneur qui compte beaucoup sur le soutien des supporters belges dans le stade pour porter son équipe. Belgique-Italie à 21h ce soir. Match à suivre sur Vivacité, sur la Une et sur rtbf.be/ovio. Avant cela, à 18h, l'autre match du groupe des Diables opposera l'Irlande à la Suède et à 15h, l'Espagne joue contre la République tchèque. Hier, l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0. Victoire également pour la Croatie, 0-1 contre la Turquie et la Pologne, 1-0 face à l'Irlande du Nord. Autre tournoi continental aux États-Unis avec la Copa América. Et grosse surprise cette nuit, le Brésil est éliminé dès le premier tour après sa défaite 1-0 face au Pérou. Fin de tournoi précoce et amer pour les Brésiliens puisque le but péruvien est entaché d'une faute de main qui a échappé à l'arbitre. En Formule 1, victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix du Canada hier soir. Et puis le pilote de rallye belge Thierry Neuville est aux anges. Après un début de saison très malchanceux, il a remporté le rallye de Sardaigne. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il remporte une manche d'un WRC. Alors, retenons ce conseil donc d'un supporter belge, alternez bière et eau. Vous avez déjà pris la bière, Sarah ? Oh, pas encore. Attendez, ce sera pour tout à l'heure, l'apéro. Premier match est à 15h. Faut répartir parce que Jérôme ne prend que de l'eau. Oui, c'est vrai. Vous êtes toujours à l'eau ? Je suis un être triste et même en ces périodes de libation, je suis à l'eau. C'est terrible parce que j'ai un rêve dans la vie, c'est vous faire boire un jour. On ne peut pas dire ça. Écoutez, bon, si on gagne l'euro, peut-être humecterai-je mes lèvres dans un verre de jus de pamplemousse. Alors que j'ai un autre rêve pour Sarah, c'est lui faire boire de l'eau une fois dans sa vie. Je vois que j'ai une belle réputation. Ah, écoutez, tout se sait. Et Sarah, elle alterne pas. Trois bières, un verre d'eau, elle. Mais oui, c'est ça. C'est pas faux. 8h16, voici un nouveau 8-9. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. RTBF Mobile Info, voici Benoît Ferrière et un topo sur la circulation dans et autour de Liège. Eh bien, c'est un lundi matin assez traditionnel, avec sur la E40 ex-Bruxelles, les traditionnels ralentissements à hauteur du viaduc d'Herstal. Vous ne perdez que 9 minutes ce matin. Ralentissement également sur l'axe A602 en direction du tunnel de Cointe. Là, vous perdez à peu près 5 minutes dans la descente. Ralentissement tout autant traditionnel sur le E25 en provenance des Pays-Bas, mais surtout ce matin en provenance de l'Ardenne, avec des ralentissements déjà constatés dans la descente de Tilf. Et on nous signale une traversée du tunnel de Cointe justement en direction de Bruxelles relativement ralentie au centre-ville. Eh bien, on constate évidemment quelques effets collatéraux des travaux sur la rue de Bruxelles, notamment du côté de la place Saint-Lambert. Voilà, pour ce point sur les directions de Bruxelles, c'est toujours très calme par rapport à une situation habituelle, donc à partir de Astrode sur le 40 notamment. Problème sur la route, prévenez le 04 344 76 44. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce lundi, la Belgique entre dans la compétition. Dès 18h, en direct de Saint-Étienne, avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Et dans les stades, Espagne, République tchèque, République d'Irlande, Suède. Et à 21h, Belgique, Italie. Vivez en intégrale le premier match des Diables, avec Thierry Luthers et Manuel Jousse, en direct de Lyon. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme de Saint-Étienne Métropole. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Viva. 8h, 9h, le 8-9. Attention, un test. Lukaku ou De Bruyne, Sarah ? De Bruyne. Ah bah évidemment, forcément. Saucisse compote ou De Bruyne ? Saucisse compote, quand même. L'estomac avant tout. Elle connaît les classiques quand même. Notre invité tout à l'heure n'est pas Diable Rouge. Forcément, ils sont un peu occupés. Notre invité tout à l'heure, c'est Justine Hénin. Ouais, petit événement et on l'appelle pour les 10 km des grottes qui auront lieu la semaine prochaine à Ans-sur-Lesse. 5 km, 10 km ou 20 km au profit de l'association Justine for Kids qui récolte donc de l'argent pour les enfants. Mais ça nous permettra de parler du parcours parce qu'on dans la région de Ans-sur-Lesse. Il paraît que le trajet de 20 km est magnifique, mais qu'il y a des côtes de fou. Il y a trois côtes incroyables. Et vous savez que dans la course des grottes, vous faites le dernier kilomètre dans la grotte d'Ans. Évidemment, vous passez dans la grotte. Donc on en parlera avec Justine Hénin tout à l'heure. Et puis forcément, Diable Rouge, le pronostic de Justine. Et puis forcément, Roland Garros, puisque vous savez qu'elle a coaché sa petite protégée, une jeune ukrainienne, qui, à mon avis, de mémoire, est sortie en 8e de finale. Oui. Vous confirmez ? Oui, je le confirme parfaitement. Ah, bah alors on n'en parlera pas. Je suis une encyclopédie. Vivante.

ceci étant encore bien trop occupé ce matin, a bloqué le pont d'Herstal ou a tenté de réveiller la petite Jeanne. Il est fou, il aura ses pneus crevés. Enfin, attendez, le prochain point sur le hooliganisme avec notre spécialiste qui nous manque tous, Claude Moniquet. À demain avec Kiki pour savourer. Bon, on va attendre 23h quand même. Restons prudents. En temps normal, on se serait lancé dans un jeu de pronostics. Oh mon Dieu, 6-0, serré. Mais là... Là, on y va mollo, on va juste mouiller Christophe Grandjean. Votre pronostic pour ce soir? Je ne suis pas voyant, même si je suis extra lucide. Ah bah écoutez, je n'ai pas Dominique Lehmann autour de la table, donc il n'y a plus que vous. Ah mais je prédis une extraordinaire victoire des Diables Rouges. Écoutez, extraordinaire. Merci. Je rappelle que vous êtes voyant des stars et star des voyants, bien sûr. Thierry Luther, c'est à Lyon ce matin, on l'appellera dans son hôtel tout à l'heure avant qu'il ne prenne la direction du Stade des Lumières où le match aura lieu à 21h. Vous pouvez revoir le cactus, bien sûr, sur la page Facebook du 8-9 à votre disposition 24h sur 24 et revoir les images dans le JT de la RTBF, cette image incroyable, vous avez vu, où il y a un supporter qui prend une chaise dans le match Russie-Angleterre, il prend la chaise et il la tape sur la tête de quelqu'un, cette image. Il dit qu'il ne fera pas de vieux os. Ah, ça c'est clair. Les images. C'est les revers du foot, quoi. Franchement, c'est pas cool. Ah, ça devrait pas être les revers du foot. Ah non, c'est ça, mais malheureusement, voilà. 8h25, heureusement, il y a le Zap Télé avec télépro.be et le retour. Attendez, générique culte. Ah oui. Ne me dites pas qu'ils reviennent. Si. Sixième saison. Et dès aujourd'hui, vous pouvez poster vos vidéos casting. Parce que vous savez, pour participer à The Voice, il faut d'abord poster une vidéo via le site. Vous avez toutes les infos. Vous tapez The Voice Belgique dans votre moteur de recherche et vous y êtes. Alors, quid des coachs. Qui va rester? Qui va partir? Apparemment, les 400 Trees, leur petit retournement de situation là, avec Pierre. Cinquième saison n'a pas plu. Et du coup, il serait plutôt sur la sellette. BJ, est-ce que va-t-elle remplir pour une sixième saison? Ah, c'est pour ça que vous avez une musique suspense en dessous. C'est dingue. Monte ta musique. Ils vont nous tenir en haleine tout l'été. On va avoir les infos au compte-gouttes. Kiki l'innocent est dessus. Sur BJ Scott? Je vous dis, non, pas sur BJ Scott, sur le siège à côté. Malfaisant. Mais je ne comprenais pas. Pour s'inscrire. Il faut chanter. Vous tapez The Voice Belgique. Il faut chanter. Il faut même se filmer. Attends, coupe ta musique parce qu'elle me stresse. On est nerveux. Elle me stresse, ce truc dit. Oui. RTBF, vous tapez The Voice Belgique. Vous avez toutes les infos, évidemment. Et amusez-vous, pourquoi pas. Ah ouais, saison 6. C'est parti de la sixième aventure. Et vous serez à l'interview chaque semaine dans le 8-9. C'est la consécration. En attendant, si vous voulez qu'on papote tout à l'heure, c'est le Kikadi. N'oubliez pas de vous inscrire maintenant au 3063 SMS. Vous indiquez je veux jouer, nom, prénom, coordonnées complètes. On vous appelle tout à l'heure avec le cadeau, avec le Kikadi à identifier, avec évidemment le mot que vous imposerez pour le live de vendredi. 3063, il y a de la place. Et si vous le souhaitez, on parlera Diable Rouge. Et comme Christophe Grandjean, vous ne donnerez pas de pronostic pour le match de tout à l'heure. Dans un instant, l'info. Vivacité présente les Francofolies de Spa. Le phénomène Kenji Girac débarque aux Francofolies pour la première fois. Kenji Girac avec Jali en première partie, c'est le 21 juillet au Franco pour une soirée qui s'annonce caliente. Info, francofolie.be, avec le soutien de Sabam for Culture et la société Wallonne des Eaux. Vivacité à Serein, en toute complicité, sur 90.5 FM. Il découvre RTBF Ovio. Et donc ici, je retrouve tous les podcasts radio. Je n'ai pas le temps de regarder, j'ai la petite épingle. Et voilà, c'est dans mon Ovio, je peux le regarder quand je veux à la maison. Rendez-vous sur rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. De vos souhaits, Lemons. J'ai ici un message pour tous les profs peaux de vache. Messieurs les professeurs, ne cotez pas les jeunes trop durement, alto basse cote des cocoteurs. Dis, ces histoires de cote, ça me donne envie d'andalouse et de cote à l'os. Oui. L'andalouse préférée des cocoteurs, la voilà. De vos Lemons. À table. Waouh, ces lignes séduisantes. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 €, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 € d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Déclaration en ligne, c'est beaucoup plus rapide. Parce que TaxonWeb en remplit automatiquement une grande partie. Juste un contrôle, un ajout ou une petite correction, et c'est fini. Pas encore d'accès? Surfez vite sur taxonweb.be. C'est moi, Hip, le Diable Rouge joue contre l'Italie. Mamma mia! Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM! 10% sur vos prochains achats. 10%! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce lundi. Le grand jour pour les Diables Rouges, leur premier match de l'Euro face à l'Italie ce soir, à suivre sur la une, sur Vivacité et sur rtbf.be/ovio. L'enquête se poursuit aux États-Unis après la tuerie dans la discothèque gay d'Orlando en Floride. Comment le tireur en est-il arrivé à commettre ce massacre? Peu de temps avant de passer à l'acte, Omar Mateen a appelé la police pour se revendiquer de l'organisation terroriste État islamique. Mais selon son père, il s'agit plutôt d'un acte homophobe. La distribution du courrier sera perturbé aujourd'hui. Une partie du personnel de Bipost est en grève. Les postiers dénoncent notamment le manque de personnel et craignent la privatisation de Bipost. Eh ben, c'est pas de joie dans les cœurs. Averse ce matin, même si on connaît une légère accalmie, mais averse qui reviennent dans le courant de la journée. On parle même d'un risque de cellule orageuse qui pourrait se former ça et là. Et 20 degrés de maxima seulement. On appelle Justine Hénin tout à l'heure dans les médias. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Cette nouvelle poussée de fièvre sociale ce lundi, c'est en effet la province de Liège qui inaugure une nouvelle série de grèves tournantes à l'appel de la CGSP. Une sorte de montée en puissance avant la manifestation nationale du 24 juin contre les mesures d'économie du gouvernement fédéral. Alors Marquis de Seym, quels sont les services publics qui sont à l'arrêt ou qui tournent au ralenti ce matin? Eh bien tout d'abord, pas les bus comme on pouvait le craindre. Même si des chauffeurs manquent effectivement à l'appel ce matin, toutes les lignes sont desservies. Par contre, vous ne recevrez pas de courrier dans votre boîte aux lettres ce lundi. Les facteurs sont en effet en grève pour protester contre le risque de privatisation de Bipost. Des piquets sont d'ailleurs présents devant plusieurs centres de tri et bureaux de distribution. De nombreuses administrations seront également concernées par cette grève tournante. Oui, c'est devant l'une d'elles d'ailleurs, la maison communale de Chaux-Fontaine, que 150 délégués CGSP se sont regroupés ce matin. Chaux-Fontaine, fief du ministre des Pensions, Daniel Baclen. À Liège, sachez-le, seules 6 mairies de quartier sur 12 seront accessibles aujourd'hui. Enfin, à Verviers, le syndicat socialiste compte sensibiliser les commerçants également, cela durant la matinée. Alors pourquoi cette action? Michel Bourdignon, secrétaire régional CGSP. Lorsque la prison de Verviers a fermé, 200 agents ont disparu évidemment dans d'autres prisons. Du même coup, une librairie et une sandwicherie ont fermé. Donc il y a évidemment un lien direct. Donc il faut que les commerçants soient bien conscients aussi que le gouvernement, contrairement à ce qu'il avance, ne roule absolument pas pour eux, mais que c'est bel et bien nous, en défendant l'emploi d'une manière générale, et particulièrement dans le secteur public, qui pouvons garantir encore cette forme de pouvoir d'achat, et mais donc leur survie à eux aussi. Les agents des finances feront aussi part de leurs craintes aujourd'hui. Ainsi, à Warem, le personnel rappellera au public venu amener sa déclaration d'impôt que le bureau des recettes est menacé de fermeture et qu'il faudra sans doute à l'avenir aller déposer sa fameuse petite enveloppe brune à 35 km de là. Un business center va bientôt ouvrir ses portes sur le site de l'ancienne caserne de Sèvres. Une vingtaine de PME s'y sont déjà installées. Éric Dagony a demandé à Françoise Lejeune, la directrice de la SPI, quels étaient les atouts de ce centre baptisé Sèvres the future. Je pense que c'est sa localisation, parce que nous sommes en milieu rural, dans un endroit vert, parce qu'on draine là-bas peut-être tout le plateau de Herve, hein. Nous sommes en dehors de la ville et les bureaux, vous savez, il y a une série de petites PME qui font de la fabrication légère, qui sont dans les services, qui n'ont pas nécessairement besoin de venir en ville ou d'être dans un grand parc, puisque vous savez que nous réservons les grands parcs de périphérie aux entreprises lourdes et donc nous freinons plutôt l'implantation de bureaux dans de telles infrastructures. L'ouverture du business center de Sèvres est prévue le 1er octobre prochain. À Verviers, certaines tombes du champ commun vont être retournées. C'est le règlement qui l'impose après 15 ans. Mais parmi ces tombes, il y a celle d'André Blavier, ancien bibliothécaire, poète et critique littéraire. André Blavier était une personnalité verviétoise. Mais Bernard Piron, l'échevin en charge des cimetières, explique que c'était la volonté du poète de ne plus laisser de traces. Monsieur Blavier avait la volonté d'être inhumé au champ commun. Il ne souhaitait pas qu'on prolonge sa sépulture, ne voulait retourner à la terre. Et donc nous ne faisons que répondre finalement aux volontés du défunt. Même si la ville de Verviers voulait voudrait sauvegarder la mémoire de Monsieur Blavier, et donc nous sommes en contact avec sa famille actuellement pour voir si nous pouvons quand même garder une trace de son passage dans notre cimetière. Si la famille ne le souhaite pas, nous procéderons à l'installation d'une plaque commémorative pour simplement honorer sa mémoire et rappeler que Monsieur Blavier est enterré au cimetière de Verviers. Une interview de Françoise Dubois. À Welkenrad, le crématorium ne fonctionne toujours pas. Les dégâts des inondations nécessitent des réparations importantes. Les cérémonies d'adieu sont toujours organisées, mais les crémations ne sont pas possibles. Elles sont transférées à Robermont. L'Euro 2016, c'est parti pour les Diables Rouges avec le match que tout le monde attend ce soir, Belgique-Italie. Mais l'Euro, c'est aussi ou surtout du business avec son lot d'accessoires à côté des vareuses, casquettes et autres housses de rétroviseurs aux couleurs des équipes nationales. Deux inventeurs de R vont imaginer un gadget, un déodorant de voiture façon arbre magique. On les trouve en librairie et dans les pompes à essence, mais le succès Éric Dagonier n'est pas encore au rendez-vous. 2,50€ s'il vous plaît. Parmi les points de vente du désodorisant de voiture pour supporters figure la librairie de David à Liège. Merci à vous, bonne journée. Est-ce que ça te plaît aux clients? Bah, pour le moment ça ne démarre pas très fort, donc maintenant on va peut-être voir si ça va un peu démarrer ou pas, mais pas pour l'instant en tout cas. Dans le merchandising de l'Euro, vous vendez d'autres choses ici en librairie? Des ballons, à part ça, pour l'instant pas grand chose d'autre, non. Est-ce que ça se vend bien? Non. Pas pour le moment. Quand on est petit indépendant, profiter de l'engouement supposé d'un euro de foot pour vendre un désodorisant de voiture dédié à l'événement requiert en outre un certain nombre de précautions. Yves Nissen, fondateur de Cool Fan Club, s'est entouré de spécialistes en droit intellectuel pour protéger le design de ses gadgets en forme de supporter. Maintenant, nous avons tous les dépôts de marques pour les 6 pays et les 6 slogans qui y sont associés. Prenons l'exemple de la France. En avant les bleus est une marque déjà déposée sur le marché que nous ne pouvons utiliser, donc nous avons choisi en avant la France. Pour la Belgique, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors pour la Belgique, c'est Command Belgium. Allez les Diables, vous ne pouviez pas? Alors non, je pense qu'Allez les Diables est aussi déposé, donc il s'est protégé, ce qui est tout à fait logique sur le marché. Au début de l'Euro, l'intérêt pour les accessoires de supporters de foot apparaît bien moins enthousiaste que lors de la Coupe du Monde d'il y a 2 ans. Très belle journée, la suite du 8-9, c'est avec Benjamin Maréchal. Et à 9h, c'est vous qui le dites, 3 débats sur la table. Dans un pays qui compte 30 000 couples belgo-italiens au moins, ce soir, vous serez pour la Belgique ou vous serez pour l'Italie? Ah, c'est le match dans le match. Ensuite, les gardiens de prison de Namur et Lantin doivent-ils s'excuser d'avoir été sonnés au domicile de Charles Michel? Sa petite Jeanne a eu peur et a pleuré. C'était samedi matin à 6h. Et puis les 50 morts d'Orlando, le terroriste débarque dans une boîte gay, tire, tue un maximum de gens et attend la police. Ça rappelle un scénario du même genre au Bataclan. C'est un attentat classique. Une atteinte au gué, vous le direz au standard ouvert, Marion Jomotte. Et le lundi au soleil ou sous la pluie, vous reprenez vos bonnes habitudes et téléphonez au 070 233 466 ou par SMS au 3063 50 cents par message. Pour les plus impatients, le débat a déjà commencé sur la page Facebook de C'est vous qui le dites, allez y faire un tour. Et voici le passage obligé par la route, évidemment. Quoique, ce matin, c'est plutôt calme, plus calme que d'habitude pour un début de semaine. Faites quand même attention dans la tranchée de Cherat où ça bouchonne pendant 3-4 km, soit 5 minutes 10 en plus sur votre temps de parcours en direction de Bruxelles, évidemment. Les axes de tout à l'heure sont un peu soulagés, notamment la descente de l'A602 en venant de Loncin et en direction du tunnel de Cointe où il y a beaucoup moins d'embouts que tout à l'heure. Par contre, la descente de Tilf, elle, est toujours encore bien chargée. 7 minutes 40 pour pouvoir emprunter ce secteur jusqu'à l'entrée du tunnel en direction de Bruxelles cette fois. Justement, sur les grands axes vers Bruxelles, ça bouche nous, eh bien, sur le 411 entre Overijs et Lyonard et sur le 40 entre Louvain et Woluwe-Saint-Étienne. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. On va parler du jogging des grottes dans un instant puisque Justine Hénin est l'invitée du 8-9. Cette semaine, le 5 à 7 de Vivacité s'envole pour le Québec. Faut y aller! Découvrez les expressions de chez nous et tentez de deviner ce qu'elles signifient. Il n'est pas question que j'aille jouer à ton quiz niaiseux. Vous pourriez remporter un panier garni québécois ou un magnifique séjour au Québec. Il faut y aller! Et le jeudi 23 juin, dès 17h, venez lâcher votre fou. Participez à la fête nationale du Québec au Moudeur Lambic, place Fontenasse à Bruxelles. Oh, s'il vous plaît! Avec Tourisme Québec, Air Transat, GoToCanada et la délégation générale du Québec à Bruxelles. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Après 16 ans de patience, voici le moment que tous les Belges ont tant attendu. Belgique-Italie, le premier grand choc à suivre en direct sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. De 8 à 9, le 8-9. Bon, dans quelques minutes, nous appellerons Justine Hénin. Pourquoi ? Pour parler tennis ? Non. Pour parler de sa fille ? Non. Pour parler des Diables Rouges ? Non. Qu'est-ce qui reste ? La vie comme elle va, elle vient. Et les 10 km des grottes à Ans-sur-Lesse, c'est le 26 juin prochain. L'ensemble des bénéfices au profit de l'association Justine for Kids. Ce qui nous permettra effectivement de dire bonjour à Justine Hénin, de lui demander un petit pronostic au passage. Et puis de parler de cette course magique, puisqu'on passe à l'intérieur des grottes, du moins dans le dernier kilomètre. 5, 10 ou 20 km, il y a un paysage de fou. Il y a des côtes de fou parfois. Et puis alors il y a l'apothéose, mais qui vous oblige à terminer dans un temps précis. Si vous voulez passer dans la grotte, il faut avoir fini la course avant midi. Donc ça veut dire, Sarah, par exemple, qu'un 10 km, vous devez le boucler en 2 heures max. C'est jouable pour vous ? Oui, je pense. Oui, j'aurais mal aux pieds. Mais... oui, ça... Et aux jambes, hey, c'est faisable. 10 km... Elle va courir, Justine, on va lui demander aussi. Ah ben ouais, 10 km à pied, ça... Use. Les souliers, merci, très bien. Je vois que vous êtes vraiment à l'aise. Mais non, on revit l'enfance. Ah, vous voyez bien qu'on revit l'enfance. Bon, il est 8h40, nous appelons la France. Ce soir, c'est un événement, c'est le début de la Belgique dans cet Euro. Depuis le temps qu'on en parle, enfin, nous voici face à l'Italie, à 21h au Stade des Lumières. Et vous êtes, Thierry Luters, déjà à Lyon, bonjour. Bonjour les amis, comment allez-vous ? Hello ! Monsieur Luters. On est content de vous entendre. Avant de parler sport, vous avez une idée du nombre de Belges qu'il y aura dans la tribune ce soir à Lyon ? Officiellement 13 000, mais je me demande s'ils ne seront pas un tout petit peu plus encore. On parle de 15 000 supporters belges dans un stade de 60 000 places, donc ça devrait quand même le faire au niveau ambiance nationale. Ah, ça fait une fameuse performance, évidemment. Alors ce soir, c'est le début. On fait tous les scénarios avant de parler de composition d'équipe. Si on gagne, est-ce que c'est une bonne nouvelle, Thierry ? Parce que certains se disent qu'en gagnant contre l'Italie, ce sera une telle euphorie qu'on ne sera plus dans le reste de la compète. Alors, il y a deux aspects à votre question. D'un point de vue psychologique, si on gagne, c'est tout bon. Parce que là, on est boosté, on est lancé pour faire un très bon tournoi, ce dont je ne doute pas. Et d'un point de vue strictement mathématique, avec la réforme, évidemment, de cette compétition, l'élargissement à 24 équipes, bah, pratiquement tout le monde, si j'ose dire, va être qualifié pour les huitièmes de finale. Je caricature, mais il y a quatre meilleurs troisièmes qui sont repêchés dans 6 poules. Donc, si vous avez 3 points, vous avez déjà des grandes chances de gagner. Mais c'est surtout, je pense, pour la confiance de battre quand même l'Italie, qui est quand même une équipe solide, que ce serait très intéressant de gagner ce soir à Lyon. Est-ce qu'on a intérêt à calculer ? Je fais tour de table là-dessus. Est-ce qu'on a intérêt à calculer, Sarah, pour ne pas finir premier du groupe ? Parce que si on n'est pas premier, on échappera à l'Allemagne en quart de finale. Est-ce qu'on a intérêt à calculer pour être deuxième ? Moi, j'ai dit, il faut tout donner. On ne calcule pas, on donne tout, on gagne tout. Ah, vous, elle ne calcule pas. Jérôme, vous calculez ? Parce que nous n'avons jamais battu l'Allemagne depuis 1807, je pense. Ouais. Donc là, si un quart de finale se dessine contre l'Allemagne, Il y a une première à tout. Oui, mais enfin, bon, on a quand même un calendrier absolument abominable. Je signale qu'en 40-45, on a fini par les battre quand même. Vous revenez toujours avec ces vieilles histoires, monsieur Maréchal. Mais non, mais bon. Thierry, on a intérêt à calculer ou pas ? Ben 1807 était une bataille de Napoléon. Mais non, il ne faut surtout pas spéculer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et qu'est-ce qui vous dit que l'Allemagne sera première de son groupe ? Moi, j'en suis pas persuadé, même si elle a gagné hier soir. La seule fois où la Belgique a spéculé dans un grand tournoi, c'était en 1994, la Coupe du Monde aux États-Unis, Paul Van Imst comme coach. On avait laissé souffler certains joueurs pour le match contre l'Arabie Saoudite. Et voilà. Caramba, ça a raté. On a été battu par l'Arabie Saoudite. Et on a joué l'Allemagne plutôt que l'Irlande en huitième de finale. Donc, ne spéculons pas. Et comme le disent tous les jours, essayons de prendre match par match et de les gagner. Ah, il parle comme un sportif. On se voit dans une interview d'après match. Bon, alors, on vient maintenant à la composition de l'équipe parce qu'on sait que la défense belge a quelques lacunes là où la défense italienne est costaud. Toby Alderweireld, ce joueur de Tottenham, 27 ans, c'est un vrai leader de la défense ou c'est un leader que, et ce soir, il ne sera pas taille patron ? Non, c'est un vrai leader potentiel. Il va le devenir de plus en plus au fil des matchs parce que c'est un rôle qui lui a été récemment confié par Mark Wilmot. Mais c'est clair qu'il va jouer dans l'axe. La défense, on la connaît à une exception près. Ce sera donc un axe central expérimenté avec Vermaelen et Alderweireld. Vertonghen va reglisser à gauche. L'inconnu, c'est à droite. Et ça pourrait bien être Laurent Simon, qui est un petit peu revenu du diable Vauvert en sélection, quasiment en pédalo du Canada pour être ici présent. Et donc, c'est lui qui devrait commencer à droite. Ah, il peut faire ce qu'il veut. Lui, il aura réussi son dans tous les cas de figure, revenir et être en plus aligné dans le match contre l'Italie, c'est du tout bon. Alors je vois dans la presse ce matin des compositions d'équipes assez différentes. Sarah, vous êtes l'expert Diable Rouge, oui. Après Thierry. La troisième mi-temps, quoi. Pour... spécialiste troisième mi-temps. Maintenant, on fait la première. Vous mettriez un Lukaku tout seul en pointe devant vous. Ça dépend qui il y a derrière, non? Ça, c'est pas faux comme raisonnement. Ça n'est pas faux. Vous mettez Di Rupo ou Chiffaut. Il ne sera pas approvisionné. De Bruyne, il sera. Ah, oui. Juste derrière. De Bruyne, il sera. Est-ce que Lukaku est tout seul en pointe ce soir? Est-ce que vous avez la compo officielle avec certitude, Thierry? Avec certitude, non, parce que Wilmot n'a absolument rien dévoilé. Vous savez que ça a été une véritable partie d'échec et guerre des nerfs hier entre les deux coachs, parce que Conte n'a pas voulu que les Italiens s'entraînent, alors c'est une obligation UEFA dans le stade de Lyon. Enfin bref, on pense généralement à 4-2-3-1. C'est un petit peu la tactique habituelle de Wilmot, avec De Bruyne et Hazard sur les flancs, Lukaku en effet en pointe, il y a un triangle d'entre-jeux avec Nainggolan et Witsel en récupération, mais l'un pourra alternativement monter quand l'autre couvrira, et alors Marwan Fellaini qui est toujours incontournable avec son profil totalement atypique, mais c'est un joueur qui est très précieux en équipe nationale. Bon, on repart c'est quatre parfait, pilières. Moi j'ai dit c'est parfait, on va gagner comme ça. Vous êtes moi je veux que vous soyez satisfaite, ouais, vous êtes satisfaite très, très bien. Pour très bien. Ce soir L'avant c'est parfait, okay. L'arrière... Jérôme, est-ce que vous êtes satisfait? Je veux que tout le monde soit content. Écoutez, moi je suis... Alors, si Laurent Simon joue, je dois dire que ça serait quand même une belle surprise. Avec ça, vous serez en joie. Oui, oui, en arrière-droit, oui. Thierry, soyez fin. Je sais que c'est pas votre boulot de faire des pronostics. Je sais que c'est pas votre genre. Mais non, il est fin, mais c'est pas son boulot de faire des pronostics. Là, on le fait vraiment. Tour de table de pronos. Sarah d'abord, pour ce soir. Et je les note et on verra demain. Hein. 2-1. 2-1 pour la Belgique ? Ouais. 2-1 pour la Belgique, dit-elle. Ça, c'est pour Sarah. Jérôme, prono. 2-0. 2-0 pour la Belgique? Écoutez, ne me vexez pas. Ok, pour la Belgique. Moi, je dis, mauvais Belge, je dis 1-2. 0-1. Non, je dis 1-2. Ah, victoire de l'Italie. Et Thierry, vous dites... Benjamin, vous êtes le mouton noir du troupeau. Eh bien, moi, je vais dire 3-1. Il y a quand même un climat, je ne vous le cache pas, de scepticisme, de pessimisme, de critique autour de l'équipe belge depuis des jours. Tant de la presse belge que de la presse étrangère. Moi, je suis résolument optimiste. Je pense qu'on va faire un bon euro et que ça va bien démarrer ce soir et qu'on va gagner. Vous dites 3-1 contre l'Italie? Mais enfin, 3-1 contre l'Italie en match d'ouverture. Oui, mais l'équipe italienne n'est pas en forme. C'est une indication. Ça reste l'Italie. Oui, ça reste l'Italie. Et alors, si les joueurs ne sont pas en forme, ils ne sont pas en forme. Vous savez que les journalistes italiens qu'on a rencontrés ici depuis quelques jours, parce qu'ils sont arrivés de plus en plus nombreux dans le camp de base des Belges au Hayon, à Bordeaux, ils nous ont dit que c'est l'équipe italienne la plus faible de tous les temps. Oui, donc, bon, est-ce que c'est une ruse? Mais je pense que c'est pas la plus forte, en tout cas, de ces dernières années. Vous comprenez bien ce que ça veut dire, un pronostic. Hein. Je vous demande pas quelle équipe vous soutenez. Je vous demande quelle équipe va gagner. Et ce type me prend pour un débile léger. Donc je vous rappelle que je pronostique un joueur. Mais non, je vous explique le foot. À tout moment dans le courant de la journée, vous m'appelez avant le commentaire du match, ce soir à 21h, si on peut aider. Alors, c'est sur Viva, c'est sur la Une Télé, bien évidemment, mais c'est sur Viva également, à suivre ce soir avec Thierry. On vous laisse préparer le match. Vous allez au stade à quelle heure? Ah, on va y aller très très tôt parce qu'il y aura, à mon avis, beaucoup de contrôles et d'embouteillages. Et c'est un petit peu en dehors de la ville, c'est à 15 km de Lyon. Bon, allez, soyez prudents sur la route. Thierry, à bientôt et bon euro. Merci. Bon match. Bon bisous à tous. Ciao. Vous savez que j'ai noté ça et que demain, je vous soumettrai vos scores en plein visage. Mais j'espère bien. Sarah 2-1, Jérôme 2-0, Thierry 3-1. Waouh. Et vous? Moi, j'ai dit 1-2. Redites-le. 1-2. Peut-être qu'il a gagné. 1-2. On ne sait pas. Mais quand demain, en direct à la Radio Nationale, vous me présenterez vos plus plates excuses. C'est ça. Et vous fêterez avec les Italiens notre défaite, monsieur Maréchal. Vous verrez ce qui se passera. Ah oui, mais quand je serai invité à vie en Italie chaque été, bien entendu, oui. Vous la ramènerez moins. C'est cela. Qui qu'a dit après la pause? Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Et Marc, ouais. T'as vu chez Deleuze? Ils offrent un ballon gratuit. Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour le recevoir ce ballon. Ni Thibaut. Ni Axel. Ni Driss. Ni Romelu. Ni Marc. Bah, je plaisante. Mercredi 15 juin, dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et c'est pour tout le monde. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Vivacité, la 2 et le Conseil de la musique présentent la Fête de la musique à Liège. Du 17 au 21 juin, c'est parti pour 5 jours de musique, 40 scènes et plus de 150 concerts gratuits. Tous les lieux et le programme sur fêtedelamusique.be. Une organisation de la ville de Liège et de PAC Liège avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la province de Liège, Sabam for Culture et le soir. Votre centre commercial Médiacité Liège, faites la musique. Des concerts gratuits avec le vendredi 17 juin, Two Kids on Holiday, Roscoe, John Abbey et Kid Noise. Samedi 18 juin, retrouvez d'autres concerts et vivez le match des diables sur écran géant. Info, médiacité.be. Le 8-9. Un supporter de plus arrive dans le camp des Belges. Nous sommes à Grédoiseau. Salut Sébastien. Salut Benjamin, salut l'équipe. Bonjour. Salut. Vous regarderez le match ce soir ou pas? Peut-être. Moi, je ne suis pas trop foot, mais je supporte quand même notre équipe. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à la télé. Attendez, vous aimez quoi? Bien dit ça. Je prends le programme. Sérieux, je prends le programme télé de ce soir. Lundi soir. Attendez, ils ne mettent plus le programme télé dans le journal. Mais enfin... Dans la DH, ils ne mettent plus le programme télé. Non, mais là, vous êtes dans le supplément sport. Non, oui, ami, ça a changé, Benjamin. Excusez-le, hein, il n'a pas l'habitude de manipuler la presse. Je suis nouveau. Sébastien, vous avez toutes les chaînes à la maison. Oui. Attendez, je cherche. Mais ils mettent non, plus. Non, là, vous êtes dans la nécrologie, mon ami. Mais enfin, ils mettent et plus. Et pourquoi vous n'aimez pas le foot télé. Sébastien, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Non, mais suivre un match à la télé, je trouve ça peut-être un petit peu endormant, mais j'aimerais bien assister dans un stade. Ah oui, ben ça a une toute autre ambiance, évidemment. Eh ben, vous savez quoi? Je ne trouve pas le programme télé de ce soir. Ça, c'est dingue. Et non. Alors, j'ai juste sur France 3, il y a Mireille Dumas. Ah. Ou alors sur Arte, Le Jour des Corneilles, un dessin animé. Oui. Vous prenez quoi, Sébastien? Mireille Dumas, je sais pas. Oui, Mireille Dumas. Oui, non, mais c'est à 20h55, ce sera concurrence avec le match. Au diable, donc, le programme télé. Voici le Kikadi de ce matin. Vous identifiez une phrase, il y a un cadeau à la clé. Kikadi, Carlo Di Antonio, vous pouvez lui dire de ma part que c'est un beau dégueulasse. Carlo Di Antonio, vous pouvez lui dire de ma part que c'est un beau dégueulasse. Qui a dit ça? C'est Brigitte Bardot qui a dit ça de Carlo Di Antonio? C'est Joël Milquet qui a dit ça de Carlo Antonio? Ou Mathilde Seigné qui a dit ça de Carlo Di Antonio? Trois femmes à fort caractère. Sarah, vous pensez à qui, vous? À Bébé, il me semble que je l'ai vu dans la presse et c'est pas une question d'animaux. Boël Bilquet? Brigitte Bardot. Vous êtes enrubé? Pardon, Boël Bilquet. Bardot. Vous pensez à qui, vous, Jérôme? Non, mais alors on sait tous ce que c'est. Je crois qu'il y avait une... Donc j'ai cru que c'était les deux mêmes photos, mais non. Donc, regardez sur la télé, il y a trois photos différentes. Hein, ouais. Elles sont bien différentes. Mais oui, enfin, comment vous pouvez comparer Brigitte Bardot à Joël Milquet? Il y a une blonde et une brune. Mais oui, il gagne du temps parce qu'il veut réfléchir. Oui, il sait pas. Non, mais je sais que c'est Brigitte Bardot. Sébastien, qui? Alors moi, je pense à Brigitte Bardot. C'est une bonne réponse. Et on en reparlera dans C'est vous qui le dites tout à l'heure. Elle l'accuse d'être un beau dégueulasse parce qu'il ne veut pas changer la loi qui permet à certaines associations de racheter des chevaux qui échappent du coup à l'abattoir. On en reparlera tout à l'heure. Sébastien, le cadeau pour vous sont des invitations Mini-Europe à Bruxelles. Vous avez déjà été à Mini-Europe? Il y a très très longtemps. Ah ben vous allez voir, ils ont rajouté des petits bâtiments depuis. Oui. Et le mot que vous imposez pour le live de vendredi? Goal. Goal, eh ben je ne vous demande pas pourquoi, c'est de circonstance. Bonne journée Sébastien et à bientôt. Merci, bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Dans un instant, est-ce qu'elle est là? Justine Hénin est au téléphone. Juju. Bonjour, c'est Christian Benteke. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Vous voulez voir Thibaut plonger sur un grand écran? Voir Kevin dribbler en High Dynamic Range? Voir Christian marquer en Ultra High Definition? Les Belges sont prêts pour le foot. Et nous aussi chez Vandenborre, avec les toutes dernières technologies pour la meilleure expérience visuelle. Venez choisir votre TV et emportez-la directement. Ou faites-la vous livrer dans les 2 heures. Ou commandez-la aujourd'hui sur vandenborre.be et elle sera livrée et mise en service gratuitement demain. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Ce lundi 20 juin, c'est la journée du personnel d'entretien. Pour Lila, Violette, mais aussi Paulette ou Antoinette. Pour tous ceux qui rendent notre quotidien plus net. Faites comme moi, dans ces fleurs. Ce lundi 20 juin, offrez des fleurs. C'est du bonheur. Avec le soutien de la PACW. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. L'Opéra Royal de Wallonie présente La Bohème. Laissez-vous emporter par le célèbre chef-d'œuvre de Giacomo Puccini pour une soirée entre rire et larmes. Du 17 au 26 juin. Info, opéraliège.be. Avec Vivacité La 3 et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le 8-9. S'il vous plaît, la question dit d'intérêt général. Mais avec urbanité. Les travailleurs flamands manifestent à Bruxelles. Qu'inscririez-vous sur une pancarte pour leur souhaiter la bienvenue? Gigi Massimo propose « Attention au retour de Vlaams ». Benoît Demain, « Arrêtez de foutre le gordel ». Oui, pas mal. C'est pas mal. Pas la mayonnaise belge est désormais moins grasse. Qu'inscririez-vous sur les pots comme nouveau slogan? Répondez sur la page Facebook du 8-9. On corrige ça ensemble demain, c'est à votre disposition. Et si vous voulez la revue de presse, toute l'équipe qui commente les journaux de ce matin largement consacrée au Diable Rouge, allez sur vivacité.be, vous verrez pourquoi Sarah Depardieu préfère la glace à l'italienne, à la glace belge, car il y a un choix à faire, c'est sur vivacité.be. Alors, dans l'agenda, le 26 juin prochain, à Ans-sur-Lesse, les 10 km des grottes, c'est une course, vous avez le choix entre les 5, les 10, les 20 km, et tout ça au profit de l'association de Justine Hénin, qui s'appelle Justine for Kids. Elle est en ligne ce matin avec nous. Bonjour Justine Hénin. Bonjour à tous. Vous regarderez le match des Diables ce soir, à quel endroit? Évidemment. Oh, dans mon club de tennis, à Limelette, je pense qu'il y aura une bonne ambiance. On croise les doigts. Attendez, pronostiquez, parce que Thierry Luthers, qui n'y connaît rien en foot, vous le savez, a pronostiqué un 3-1 pour la Belgique. Et vous? Il est optimiste, là, quand même, hein, notre ami Thierry. Alors, je dirais 1-0. Oui. Pour la Belgique, évidemment. Ah, voilà une femme raisonnable. Oui, 1-0, c'est pas mal. Hein, pardon que vous y allez sur des 2, des 3, des 15-0. Mais pas du tout, nous sommes au tennis. Là. Justine, vous écouterez le 8-9 demain, on corrigera, chacun sera face à son pronostic. Hein. Justine Hénin a dit parfait. 1-0. Alors, les 10 km des grottes, c'est donc le 26 juin, on s'inscrit. Vous me confirmez que le dernier kilomètre de chaque course passe dans la grotte? Oui, tout à fait. C'est le côté complètement unique hein, de ce jogging. Ça fait la 5e édition. Et pour la 3e année, on a la chance de pouvoir courir le dernier kilomètre dans les grottes de Han. Donc c'est vraiment unique au monde, je pense. Vous courez encore les trois distances. Vous courez, vous faites un peu de running? Non, je serai là pour encourager. Donc je reviendrai de Wimbledon parce que j'accompagne ma joueuse là-bas. Et donc elle sera en plein entraînement. Mais je ferai l'aller-retour pour être présente et encourager les coureurs. Mais non, j'ai laissé un peu le sport aux autres et je fais des choses plus douces maintenant. Donc, ça, c'est une belle formule. Moi aussi, j'ai laissé le sport aux autres. Ça, c'est une très belle formule. Oui, c'est-à-dire que les autres ne vous l'auraient pas laissé. Donc oui, c'est ça. Attends, j'ai enfin trouvé comment expliquer ça au médecin. Écoutez, je laisse le sport aux autres. Je vais noter ça pour la prochaine fois. Et une parenthèse, tennis, Justine Hénin, puisque vous accompagnez, non pas comme coach plein temps, mais comme coach accompagnant mental, Elina Svitolina. Éliminée en 8e de finale à Roland-Garros, elle était déçue. Vous avez dit quoi pour lui faire digérer le truc? Elle était déçue, mais j'étais déçue aussi parce que c'est vrai qu'elle est arrivée avec un grand manque de confiance à Roland-Garros. Donc, compte tenu de cette situation en 8e, après avoir gagné 3 bons matchs, c'était bien. Maintenant, la manière contre Serena, elle a plutôt fait un non-match ce jour-là. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler sur l'ambition, la détermination et puis l'idée de penser que. Elle peut battre tout le monde si elle y croit vraiment. Donc voilà, en même temps, sortie par Serena Williams, Jérôme confirmait que c'est quand même pas Non, c'est très très difficile, même sur terre battue. Voilà, c'est pas comme jouer contre Madame Chapeau, quoi. Serena Williams, c'est quand même quelque chose. quand même. Vous êtes consultant tennis, vous, non? C'est plus la grande Serena quand même. Hein, donc voilà, il faut que les petites jeunes y croient un peu plus maintenant. On a besoin de ça. Je crois que je vais vous apprendre le tennis, Madame Hénin. Elle est quand même arrivée en finale, la petite Serena. Oui, mais justement. Oui, non, mais évidemment, mais je pense qu'il y a trop peu de joueuses. Trop peu de et on l'a vu en finale, Muguruza qui y croit vraiment. Voilà, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Serena. C'est extraordinaire d'être encore là avec la même motivation. Mais c'est plus la grande Serena qu'on a connue non plus. Et donc, je pense qu'il y a des ouvertures qu'il faut être capable de saisir et plus se laisser intimider non plus, comme ça a été le cas pendant des années. Elle n'a qu'à laisser le tennis aux autres, puisque c'est la formule exactement, de ce matin. Exactement, qu'elle reste un petit peu aux autres. Et je reviens deux secondes aux 10 km des grottes, donc au profit de Justine oui. Forkitz. Dans le trail, 20 km, un mot sur le parcours. Oui. Il paraît qu'il y a trois côtes dans le 20 km qui vont être costaudes de chez costaudes. Oui, ben il y a des, on est dans la campagne dans Surlaise, donc c'est clair que c'est pas plat, c'est assez vallonné, même pour le 10 km, hein, il y a une côte un peu devenue légendaire, parce que tous les gens qui reviennent d'année en année se disent est-ce que le parcours a changé ou est-ce que la terrible côte est toujours là. Elle est toujours là, mais voilà, la satisfaction de quand on arrive au-dessus, de se dire qu'on a donné un bel effort. Et c'est vrai que le 20 km est un trait qui est magnifique, les paysages sont superbes, il reste accessible, mais c'est vrai que voilà, c'est un trail, on est en région rochefortoise, donc on sait qu'il faudra, il faudra bien se donner le 26 juin. On dit pas course, on dit trail hein, sur les 20. 10 km des grottes, c'est le 26 juin en Surlaisse et vous croiserez Justine Hénin. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce lundi, la Belgique entre dans la compétition. Dès 18h, en direct de Saint-Étienne, avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Et dans les stades, Espagne, République tchèque, République d'Irlande, Suède. Et à 21h, Belgique, Italie. Vivez en intégrale le premier match des diables, avec Thierry Luthers et Manuel Jousse, en direct de Lyon. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme de Saint-Étienne Métropole. Voir Christian marqué sur un écran aux couleurs éclatantes, choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborg et emportez-la directement. Vandenborg. Denis, toute l'équipe de Viva face au destin. Vous pronostiquez combien pour ce soir et demain, Vlan, vous aurez le score en plein visage. Vous dites combien, vous ? Eh ben écoutez, moi je donne 2-1 pour les Belges. 2-1 pour les Belges, tant que j'ai Sébastien Pierret sous la main. Sébastien, vous donnez combien ? Moi je donne 1-2 pour les Belges. Il donne 1-2 pour les Belges, Sébastien Pierret. Denis Météo en attendant. Allez, des averses actuellement déjà sur la Campine, avec même là un orage qui sévit. D'autres averses qui arrivent sur le Hainaut, l'ouest du Brabant Wallon. Et enfin, des averses qui s'éloignent vers le Grand-Duché de Luxembourg. On devrait connaître une accalmie en milieu de matinée. Et puis d'autres averses, cette fois ponctuées de coups de tonnerre, sont attendues en cours d'après-midi. Averses qui devraient quand même s'estomper en soirée et qui devraient commencer à disparaître. On attend 14 à 19 degrés pour aujourd'hui. Les prochains jours, eh bien, les averses resteront au menu jusqu'à vendredi, même si demain, il y en a un petit peu moins. Vous écoutez Viva, il est 9h. Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Cette fois, on vous entend, nous sommes à H-12 avant Belgique-Italie. Eh oui, ça y est, on y est, c'est le jour J. Les Diables Rouges entament leur Euro ce soir. Ils affrontent l'Italie à 21h et il est grand temps que cela commence. Les joueurs ont des fourmis dans les jambes. C'est un moment qui arrive à point. C'est un moment que toute la Belgique attend, que toute la génération entre guillemets dorée attend. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut faire quelque chose de grand. À nous à mettre tout en œuvre pour essayer d'y arriver. Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges avec Manuel Jousse. Belgique-Italie, c'est la première affiche de cet Euro. Un premier adversaire plutôt coriace pour notre équipe nationale, même si la squadra a déjà été en meilleure forme. Les Italiens, eux, comment appréhendent-ils le match de ce soir ? Marc Hulmotte s'assure que le sélectionneur italien prépare 11 guerriers. L'entraîneur de l'Italie ne dément pas. Oui, nous tentons de l'être et je suis convaincu que nous le serons, 11 guerriers sur le terrain. L'équipe belge visera ça également. De toute évidence, ils ont beaucoup de talent. Ils ont un grand choix de joueurs. Il suffit de voir qui joue et qui est sur le banc pour comprendre qu'ils sont en train de faire un travail exceptionnel. C'est bien pour eux, vraiment. Il faut leur donner ce crédit. Ils ne sont pas premiers ou deuxièmes au classement mondial par hasard. C'est le résultat de leur travail. Félicitations à eux. Complimenti à loro. Antonio Conte, le sélectionneur italien, traduit par Christophe Reculé. Les Diables pourront compter sur le soutien de centaines de milliers de supporters, ici en Belgique, devant les écrans géants, devant les télévisions, ou pourquoi pas en écoutant la radio. En France aussi, dedans, dans le stade et en dehors, dans la ville. C'est le cas de des milliers de supporters ont fait le déplacement. C'est le cas de ce groupe de supporters belges. Ils ont rejoint Lyon à bord de deux mobilhomes. Et Bubrousakis les a rencontrés dans leur camping, recoloré pour l'occasion en noir, jaune et rouge. Vous venez avec moi et je vais vous placer à votre emplacement. Voilà. Si vous voulez me suivre maintenant. Les deux mobilhomes et la quinzaine de supporters belges ont envahi le camping international de Dardilly dans la banlieue lyonnaise.